Je vous propose aujourd'hui la rediffusion d'une émission consacrée à la cathédrale de Reims. Reims, une cathédrale et tant de mémoires, avec Thomas Gedgens, une émission qui avait été diffusée la première fois le 29 décembre 2018. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin 1940. Cette façade de Reims, c'était une des beautés du monde. Ceux qui n'ont pas vu cette façade intacte avant 1914 ne peuvent se faire une idée exacte de sa magnificence. Dans cette ville en ruine, la cathédrale ressemblait à un martyr que ses bourreaux n'avaient pu achever. Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent. Solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Chacun sait que Pierre Nora, au long du vaste ouvrage collectif qu'il a imaginé et organisé naguère, a consacré les lieux de mémoire, formule désormais célèbre, comme un gibier de choix pour l'historien et comme un apanage spécifique pour le citoyen. Beaucoup d'entre eux ne sont pas seulement des témoins des temps passés. Ils ont été aussi des enjeux dans la longue durée et par là même, ils ont leur place attribuée dans cette émission, puisque les avatars, au sens propre de leur destinée telle qu'elle s'est inscrite dans les représentations collectives, renseignent abondamment sur les permanences et les ruptures d'un sentiment national jusqu'au temps présent. Eh bien, voici l'un de ces lieux de mémoire. Nous allons nous attacher ce matin à l'histoire de la cathédrale de Reims, en tirant avantage du beau livre, neuf et stimulant, que vient de lui consacrer Thomas Gedgens, mon invité. Longtemps professeur pendant un quart de siècle à l'Université libre de Berlin, il a créé à Paris le Centre allemand d'histoire de l'art. Son ouvrage pivote autour d'un moment dramatique, celui où, dans les suites de la première bataille de la Marne, les Allemands bombardèrent la cathédrale du 17 au 19 septembre 1914 en lui causant des dommages terribles. Dans la guerre des propagandes, dans l'affrontement des opinions, cet événement joua un rôle essentiel. Mais il ne put trouver sa pleine dimension symbolique, par-delà la douleur du saccage, que parce que le monument avait acquis une place primordiale depuis son édification au Moyen-Âge et depuis les couronnements royaux dans le destin de la France. Ce dont témoigna aussi, après la Grande Guerre, tout ce qui s'y joua dans la chronique d'une réconciliation au centre de la construction d'une Europe unie. On y rencontre, de bout en bout, la force d'un sacré qui a dépassé les limites de la religion et qu'un patriotisme multiforme a largement exalté. Et pour commencer, voici un témoignage du cardinal archevêque de Reims, Mgr Luçon, qui était absent de la ville lors de la catastrophe, mais qui l'a rejointe quelques jours plus tard. Un témoignage qui date des années 1920. À l'intérieur, le feu gagne les portes latérales. Ils conçurent dans le tambour où il était roulé le magnifique tapis du sacre de Charles X. Ils dévorent les portes massives et dégradent les célèbres galeries de statues en mi-relief qui les encadrent. Les splendides verrières des 13e et 14e siècles sont criblées par les éclats de la mitraille et arrachés de leurs fenêtres pendent lamentablement en lambeaux à leurs armatures. Toute la ville est sur pied. Sur la place du Parvis, dans les rues, aux fenêtres des maisons, tous les regards sont fixés sur ce spectacle terrifiant. Riches et pauvres, civils et militaires, croyants et non-croyants, tous sont là. Debout, les yeux pleins de larmes, frémissant de douleur et d'indignation, mais impuissants. Et depuis ce jour-là, notre chère cathédrale est restée sous nos yeux attristés comme une ruine au milieu des ruines. Mutilée, meurtrie, démantelée, sans toiture, sans porte, sans fenêtre, ouverte à tous les vents comme une demeure abandonnée. Les orgues sont muettes et les voûtes ne retentissent plus que du fracas des projectiles. Les cloches, après avoir exhalé dans les airs un dernier et douloureux gémissement, sont tombées fondues parmi les débris de leur beffroi carbonisé. Thomas Gaitgens, bonjour. Bonjour. Merci de m'avoir invité. Tout le plaisir est pour moi, monsieur le professeur. voici un témoignage qui est, comme je le disais, d'après coup, où le cardinal est arrivé pour contempler le désastre. Ça vient des années 20. Oui, en effet. Quand il a vraiment essayé de faire un point qu'il faut absolument reconstruire la cathédrale de Reims. Parce que, après la fin de la guerre, on n'était pas très, très sûr de la faire reconstruire et de la réparer. Et on voulait la garder en ruine pour perpétuer l'envahisseur et la catastrophe. On voulait la, parce qu'elle parlait comme ruine. Elle était très forte comme ruine, comme impression. Et c'était une longue discussion. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il défend la reconstruction, la restauration de la cathédrale, qu'il voulait bien sûr faire ressusciter. C'est en effet l'un des nombreux débats qui ont entouré l'histoire de ce monument, à vrai dire prodigieux. Mais peut-être, pour ouvrir notre conversation, consentirez-vous à nous permettre d'évoquer ce qui s'est passé dans ces journées de septembre 1914? Comment ce désastre est survenu? Dès le moment même, il y a eu des controverses sur ses origines, sur la genèse de l'événement et sur la manière dont ça s'est passé. Alors c'est une histoire un peu compliquée, parce que en septembre 1914, non pas seulement une armée, mais deux armées arrivaient près de Reims. Après avoir traversé la Belgique d'une façon plutôt brutale aussi, avec la renommée que l'armée avance très rapidement et avec force. Une armée prussienne et une armée saxonne arrivent devant Reims. Alors après le 4 septembre, l'armée allemande finalement entre, les Prussiens entrent la ville. Il reste là pendant 10 jours à peu près. Ensuite, à cause de la défaite à la Marne, les Français ont avancé et vous les Allemands défaite, devaient. Nous disons victoire. Exactement. Pour vous, c'est la victoire. Rien c'est de plus légitime. Voilà, après les légitimes. Oui, de toute façon, les Français avançaient. Les Allemands quittent la ville, s'installent devant les portes de Reims, dans les forts de Reims. Et c'est à ce moment-là que le vrai bombardement de la ville commence. C'est-à-dire, probablement à partir du 14-15, on ne sait pas exactement qui a vraiment commencé. La catastrophe arrive le 18 et le 19, où la cathédrale a pris feu. À cause des échafaudages qu'il y avait sur la tour du Nord, la cathédrale prend feu et le toit est en feu. Elle était en train d'être restaurée. Exactement, elle était en train d'être restaurée. Et alors à ce moment-là, vraiment, un dégât extraordinaire est arrivé à la cathédrale. Donc, il y a d'ailleurs un journaliste français très célèbre, Albert Londres, oui, qui est dans les parages. Oui. Il a échappé aux autorités militaires qui essayaient de le faire, comme on dit aujourd'hui, « embedded », oui, c'est-à-dire de le garder sous contrôle. Il est allé tout seul avec un ami, un collègue à Reims, et il a été le témoin de cet événement épouvantable. Il a écrit un article pour Le Matin, le 21 septembre, qui était le début de sa gloire. Il écrivait notamment « La cathédrale est debout, mais pente lente, une horrible main l'a écorchée vive ». Il a vu la fumée sur la ville, donc il s'est approché pour voir plus clair. Ils ont d'abord cru que c'était l'hôtel de ville, mais finalement ils ont découvert que c'était la cathédrale qui était en feu. On voyait probablement pas des flammes, mais on voyait bien sûr une fumée énorme. Dès ce moment-là, il y a une controverse entre le côté français, naturellement, et le côté allemand. Du côté français, on va développer l'idée que les Allemands, délibérément, parce que ce sont des barbares, ont écrasé ce monument, et du côté allemand, on va défendre l'idée qu'on était obligé de le faire contre son gré, parce que, contrairement aux conventions, notamment de La Haye, les Français avaient posté des observateurs dans les tours, et c'est le début d'une histoire qui est sans fin, en tout cas dans les années 20. Il faut dire que les Français peuvent avancer le fait que les Allemands en Belgique ont brûlé peu auparavant la bibliothèque de Louvain, très riche en manuscrits médiévaux, et cela évidemment pèse dans la controverse. Ce qu'ils ont fait à Louvain, les barbares ont voulu le refaire à Reims. Cet aspect que l'armée allemande s'est contenue comme des barbares, des Huns et des Vandales. Attila a été cité sans fin. Comme dans les manuels des écoles primaires. Mais c'était vraiment une grande entreprise de presse qui a commencé, non pas seulement en France, mais à l'étranger. Et la sympathie, bien sûr, était du côté français. Tirer sur la cathédrale, ça ne se fait pas. Mais il faut bien dire que tout se concentre sur le bombardement de la cathédrale. Très peu de mentions des pertes humaines. C'est absolument intéressant à savoir. Donc, la cathédrale était tellement symbolique que tout le monde s'intéresse à ce qui se passe avec ce chef-d'œuvre de l'architecture gothique. Vous restituez dans votre livre la double campagne de propagande qui s'est développée à ce moment-là, d'un côté comme de l'autre, à court terme plus efficace du côté français. Pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé de chaque côté de l'affrontement ? Bon, du côté français, bien sûr, c'était toujours l'idée que l'Allemagne a commencé la guerre non pas seulement à vaincre la France, mais également à détruire la culture française. Ils voulaient l'effacer. Ça, c'est un peu exagéré, à mon avis. Je crois que les Allemands avaient intérêt d'avancer si rapidement, aussi rapidement que possible pour arriver à Paris. Il y avait un plan qui s'appelle le plan Schlieffen d'un général prussien qui proposait d'avancer très très très vite pour se libérer de certaines parties des troupes qu'on pouvait envoyer à l'Est. Donc l'idée de détruire la cathédrale n'était pas dans la vision des Allemands. Il n'y a aucune preuve pour cette idée. Mais la propagande était ça. Et ça s'est bien sûr développé dans la propagande française et repris par des Anglais, des Américains, partout dans le monde. Le ministère français des Affaires étrangères, d'entrée de jeu, parle de ruines et dans son communiqué, on peut lire « À cette heure, la fameuse basilique n'est plus qu'un monceau de ruines », ce qui est d'ailleurs un peu exagéré. Le gouvernement de la République a le devoir de dénoncer à l'indignation universelle cet acte révoltant de vandalisme qui, en livrant aux flammes un sanctuaire de notre histoire, dérobe à l'humanité une parcelle incomparable de son patrimoine artistique. Et c'est sur ce thème que la propagande française va broder indéfiniment. Oui, mais il faut bien voir que les rapports sur les événements sont imprimés par la haine depuis ce moment-là. Des deux côtés. Des deux côtés. Mais les perspectives sont différentes. Les Français étaient absolument hors d'eux qu'on avait qu'à attaquer ce monument extraordinaire. Les Allemands étaient irrités par le fait qu'ils étaient désignés comme barbares et uns. Ce sont ces deux perspectives qu'il faut toujours avoir. D'ailleurs, il faut également étudier que non pas seulement la cathédrale a été atteinte, toute la ville a été atteinte. Oui, mais la sous-préfecture, ça a moins frappé les esprits. Je sais, mais il y avait quand même tellement de gens qui sont morts à ce moment-là. La cathédrale était un lieu symbolique, et alors on n'atteint pas la cathédrale. Il n'y a pas de preuve vraiment que les Allemands voulaient tirer sur la cathédrale. Ce sont peut-être des ordres subalternes, ou effectivement le fait qu'ils ont vu des soldats dans les tours. Si vous voyez les endroits où les obus sont arrivés à Reims, c'est partout en ville. Si vous voyez les photos de 1918, vous voyez la ville est complètement à plat. Et la cathédrale, encore, est à voir. C'est-à-dire, elle est atteinte. Elle est très dans une situation très difficile, mais on peut pas dire qu'elle est complètement détruite. Avec du plomb qui tombe de la bouche, des gargouilles. Voilà. Mais toute la ville a été détruite parce que les obus allemands sont entrés partout. partout dans la ville. Il y avait seulement quelques milliers de... Toute la ville était détruite et il y avait très peu de maisons qui étaient encore debout. Quoi qu'il en soit, d'ailleurs, si vous vous promenez aujourd'hui, vous allez voir des immeubles neufs partout. Et quelquefois, vous trouverez un immeuble ancien et vous voyez encore les tirs d'obus dans les façades. Mais là, il s'agissait de la cathédrale, évidemment. Les intellectuels français aussi peuvent s'écrier, comme Henri Bergson, que c'est un signe qui permet de vérifier que la lutte est engagée contre l'Allemagne. Eh bien, quelle est la lutte même de la civilisation contre la barbarie, un conflit de culture. Tout ça se noue à Reims, et c'est pourquoi il est si intéressant de s'y arrêter un moment. Exactement. Comment font les Allemands pour faire la contre-propagande? Il y a un effort, notamment d'un personnage intéressant qui s'appelle Clemens. Oui, non mais la contre-propagande du côté de l'Allemagne était d'abord lente, pas immédiate, et elle était lourde. Les Français étaient beaucoup plus inventeurs, avec les caricatures, avec les cartes postales, avec beaucoup de rapports dans les journaux, envoyés internationalement. Les Allemands étaient lents. Il y avait la censure. Donc, alors, les Allemands n'étaient pas très bien éclairés sur ce qui se faisait. En France aussi. Oui, mais les Français étaient quand même informés, surtout parce que la presse éclatait après cet événement. Alors, après le bombardement de la cathédrale, vous imaginez, dans tous les journaux, il y avait des articles. Donc ça c'est complètement différent. Les Allemands étaient choqués par le fait que les Français les nommaient un et barbares. Et alors il y avait un manifeste signé par 93 personnes renommées, des prix Nobel, des littérateurs, des directeurs de musées, qui défendaient l'armée. C'est-à-dire le résultat. Du côté de l'Allemagne, c'était d'être d'accord avec l'armée et avec les officiers et surtout avec l'empereur. Donc, cette idée de protester contre le bombardement de Reims ne se levait pas. C'est-à-dire, ça existait probablement, mais pas publiquement. Voilà. Je pourrais dire peut-être un mot sur Clemens parce que j'ai dit que la contre-propagande du côté de l'Allemagne était lourde et faible. Il n'y avait pas autant d'articles en Allemagne qu'en France. Comme vous en avez fait une belle collection, vous le montrez dans votre oui, livre. Oui, quand même, comparé avec les commentaires français. Carte postale, caricature, etc. Exactement, voilà. Mais l'idée de Clemens était de créer le Kunstschutz, donc la protection des monuments, et d'en faire une partie de l'armée. De l'attacher à l'armée pour qu'il conseille les officiers où il faut éviter de marcher et d'avancer. C'est une question qui est toujours d'actualité. On l'a vu, par exemple, dans les guerres d'Irak ou ailleurs, ou en Syrie. Voilà, exactement. Et Clemens, qui était professeur à l'université historien de l'art, très renommé, d'ailleurs un ami de la France, il faut dire. Il était en rapport avec Rodin et il avait des amis en France. Rodin qui a écrit sur les cathédrales. Exactement, il a fait sa thèse sur la protection des monuments en France. C'était sa thèse, sa thèse d'État. Donc ça, c'était l'idée. Les Français disent que nous sommes des barbares. Mais les Allemands vont démontrer qu'ils font quelque chose pour protéger. Et ils vont créer un compartiment attaché à l'armée pour protection des monuments. Donc, la propagande du côté... Et ça s'est créé. Et ça a existé aussi dans la Deuxième Guerre mondiale, d'une façon très efficace. On voit aussi surgir des débats, notamment en France, sur la question de savoir si une vie humaine vaut plus que la protection d'un monument. C'est un débat qui se développe largement. Écoutez, il en parle. Cette lettre, Roland. Cet extrait de lettre de Fernand Léger, le grand peintre, un de ses amis, qui est daté du 28 mai 1915, et qui a été diffusé dans la boîte à lettres de Cécile Guilbert sur France Culture, le 30 juillet 2013. Mon cher Bassler, merci pour votre aimable lettre. Malheureusement, je ne suis nullement en place pour répondre ni pour penser art. Je suis sous le canon et ne vous étonnez pas d'une lettre correcte et avec plume et encre dans cette position. Cette guerre-là, c'est l'orchestration parfaite de tous les moyens de tuer, anciens et modernes. C'est intelligent jusqu'au bout des ongles. C'en est même emmerdant. Il n'y a plus d'imprévu. Nous sommes dirigés d'un côté comme de l'autre par des gens de beaucoup de talent. Une guerre comme celle-ci n'est possible que par les gens qui la font. C'est aussi vache que la lutte économique. Une armée de métiers ne tiendrait pas, mais un peuple qui a vécu la vie tendue et dure de ces 50 dernières années peut le fournir. Aucun sentimentalisme dans tout cela. Il n'y a qu'à l'arrière où on est assez mou pour pleurnicher sur des histoires de cathédrales de Reims bombardées ou de femmes enfilées par les boches. Ici, ça ne mord pas du tout. Et M. Barrès n'a aucun succès. On n'a pas idée de demander à des gens qui s'octroient le droit de tuer de respecter des monuments plus ou moins historiques ou des femmes qui souvent n'ont sans doute pas demandé mieux. En septembre, on faisait une guerre de primaire ridicule. Mais maintenant, c'est autre chose. On les a pillés et supérieurement à notre tour. On a décidément plus de talent qu'eux et comme ils n'ont pas le génie, on les aura. Amicalement, Fernand Léger. Thomas Guedegaenz, voilà Fernand Léger qui pose directement la question. On laisse de côté la comparaison, si vous voulez bien, entre la cathédrale et les femmes, et nous nous concentrons sur Reims. C'est très émouvant, cette lettre. Absolument intéressant, parce que il fait aussi allusion à Barrès. Elle fait allusion au fait que les Français se sont battus pendant la Troisième République pour avoir une loi pour la protection des monuments, surtout les églises, pas seulement les cathédrales, mais aussi les petites églises dans les petits villages qui étaient dans une situation différente parce qu'ils n'avaient pas les lieux, ces petits lieux n'avaient pas l'argent pour conserver l'architecture. Donc toute cette discussion entre la séparation de l'église, l'État. 1905. La loi de 1913 est très extrêmement important. Et alors, les Français étaient donc très, très, très nerveux. Donc, finalement, en 1913, il y avait cette loi. Et en 14, la cathédrale de Reims, cette cathédrale où les rois de France ont été couronnés, était bombardée par les Allemands. Que disait cette loi de 1913? C'est la loi que l'État devrait aider les villes et les provinces de restaurer les... Oui, parce que la loi de séparation de 1905 avait directement posé la question de l'attribution des lieux de culte et de la responsabilité de leur entretien. Exactement. Et puis Barrès est cité aussi parce qu'il y a un livre important qui précède de peu la guerre et auquel vous faites naturellement dans votre livre un sort. Que disait-il? Il disait que les villes ne sont pas en état de reconstruire ou même de réparer et de faire les travaux nécessaires pour garder ces monuments historiques. Je trouve que c'est un moment absolument passionnant parce que en 13 il y a cette loi qui est votée finalement et en 14 les Allemands envahissent la France. Donc les Français étaient bien sûr dans une situation nerveuse si vous voulez. Le livre de Barrès s'appelait « La grande misère des églises de France ». Des églises de France, oui. Donc nous voyons ce durcissement des intellectuels et en même temps il en est d'autres qui créent un climat différent. Parce que pendant cette guerre, on peut néanmoins, notamment par la Suisse, continuer d'échanger des lettres, des correspondances, converser entre des hommes de pensée des deux côtés. Et je voudrais, pour rappeler ça, vous y insistez dans votre livre, vous donnez à entendre un échange de lettres, un extrait d'échange de lettres entre Stéphane Zweig et Romain Rolland. Propos du premier, réponse de l'autre, la lecture est de Guillaume Gallienne sur France Inter, le 29 avril 2017. Vienne, 9 novembre 1914. Très cher ami, je vous écris à l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Aujourd'hui seulement, je m'aperçois des ravages terribles que la guerre a provoqués dans mon univers humain et spirituel. Tel un exilé, dépouillé et sans ressources, je suis obligé de fuir la maison en feu de ma vie intérieure. Pour aller où, je n'en sais rien. Je redoute terriblement les journées et les années à venir. Comment sera ma vie, qui jusqu'à présent se faufilait librement entre les préjugés? Comment vais-je pouvoir respirer au milieu de toute cette malveillance? Hors d'Allemagne, il y aura partout de la haine pour ce pays pour de longues années encore. Et en Allemagne même, à nouveau cette haine envers les autres. J'ai peur de moi-même, peur de succomber malgré moi à ce poison. Ma vie me semble à présent déchirée et privée de sa joie spirituelle la plus élevée. Qui me rendra mon sentiment européen et le sens de l'humanité? Ces centaines de milliers de morts vont élever leur voix. Ils vont s'emparer de tout notre espace, de tout notre bonheur, à nous les vivants. Je sens que j'ai profité de ce qu'il y avait de mieux dans mon existence, et je me demande à présent s'il ne serait pas préférable, bien que je manque de foi, de me jeter dans la mêlée et d'y disparaître. Mon monde, le monde que j'aimais, est de toute façon détruit. Tout ce que nous avons semé est foulé aux pieds. À quoi bon recommencer une nouvelle fois ? Genève, le 12 novembre 1914. Mon cher, mon pauvre Stefan Zweig, votre douloureuse lettre m'émeut profondément. Je comprends votre peine. Il ne faut pas se décourager. Ce sont les grands jours d'épreuve, ce sont les temps héroïques pour les hommes comme nous. Que deviendra le monde après qu'auront passé ces cyclones de haine ? Que restera-t-il de l'Europe ? Je sais qu'il restera nous, et qu'il s'agit de sauver en nous l'esprit européen, ce n'est pas assez dire, l'esprit universel. Donnons l'exemple, Zweig, d'hommes qui n'abdiquent point, qui ne se renient pas eux-mêmes. Je ne cherche pas à convertir les hommes, je cherche à sauver de la tourmente le trésor divin dont j'ai la garde. Mon salut, c'est celui des hommes. Qu'adviendra-t-il de nous après cette guerre ? Peut-être qu'il n'y aura plus de place pendant quelques années en France et en Allemagne pour des gens comme nous. Qui sait s'il ne faudra pas aller en Amérique ? Et croyez, quoi qu'il arrive, que je suis et je reste votre ami autant et plus que par le passé. Je vous vois presque ému, Thomas Gedgens. Ces lettres vont contre la haine qui entoure la cathédrale de Reims, massacrée, et annoncent, en somme, la suite jusqu'aujourd'hui. Oui, parce que une raison pourquoi j'ai écrit ce livre, c'était pour comprendre comment les Allemands et les Français se sont tenus comme ça. On vient de discuter sur cette haine entre les Français et les Allemands après le bombardement. Comprendre comment c'était possible, parce qu'il y avait des gens comme Roland et Stefan Zweig et d'autres. Il y avait Einstein qui visitait la ruine de Reims, qui insistait quand il a été invité à faire des conférences à Paris. Pas tout le monde était d'accord avec le fait, mais finalement ils l'ont invité pour donner des conférences, et il insistait à faire un tour à Reims pour voir la cathédrale. Donc, bien sûr, les Français étaient vraiment ceux qui étaient vainqueurs, mais qui avaient perdu. Le paysage était complètement détruit. Les villes étaient détruites. C'était eux les vrais perdants, finalement. L'Allemagne n'avait pas souffert. Les gens avaient souffert, mais l'Allemagne était debout. Mais ici, tout le nord de la France était dans une situation absolument catastrophique. Nous allons voir comment Reims, la cathédrale, va devenir, en contraste très violent avec le drame de 1914, un lieu symbolique de la réconciliation. Mais auparavant, il faut remonter en arrière, si vous y consentez, pour comprendre pourquoi, au-delà de la beauté du monument, il était si symbolique, la cathédrale, et en particulier non seulement rappeler ce qu'a été en France le moment de construction au Moyen-Âge des cathédrales, mais ce qu'on a pu voir émerger de controverses entre les Allemands et les Français sur l'origine de l'art gothique. Pour ouvrir cette deuxième partie de notre conversation, je vous propose une chanson d'Anne Sylvestre, qui s'appelle « Les cathédrales », qui a été enregistrée en 1959 et qui participe de cet amour un peu éthéré, vous allez voir, pour les cathédrales au cœur de la civilisation française. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Aux bâtisseurs de cathédrales, il y a tellement d'années, tu créais avec des étoiles des vitraux hallucinés, flammes vives, tes ogives s'envolaient au ciel léger. Et j'écoute sous tes voûtes l'écho de pas inchangés, mais toujours à tes côtés, un gars à la tête un peu folle n'arrêtait pas de chanter en jouant sur sa mandole. Sans le chant des troubadours, n'aurions point de cathédrale. Dans leur crypte, sur leur dalle, on l'entend sonner toujours. Combien de fous, combien de sages ont donné leur sang, leur cœur, pour élever de vers les nuages une maison de splendeur. Dans la pierre, leurs prières, comme autant de mains levées, ont fait chapelle plus belle que l'on ait jamais rêvé. Le jongleur à deux genoux a bercé de sa complainte les gisants à l'air très doux, une épée dans leurs mains jointes. Sans le chant des troubadours, n'aurions point de cathédrale. Dans leur crypte, sur leur dalle, on l'entend sonner toujours. Toi qui jonglais avec les étoiles, ô bâtisseur de beauté, ô bâtisseur de cathédrale, oh, puissions-nous t'imiter. Mille roses sont écloses au cœur des plus beaux vitraux. Mille encore vont éclore si nous ne tardons pas trop. Et si nous avions perdu nos jongleurs et nos poètes, d'autres nous seraient rendus. Rien qu'en élevant la tête, sans le chant des troubadours, n'aurions point de cathédrale. Dans leur crypte, sur leur dalle, on l'entend sonner toujours. Vous aviez l'air d'apprécier cette chanson, Thomas Guéguen. Sans le chant des troubadours, nous n'aurions pas de cathédrale. C'est tout à fait vrai, d'ailleurs. C'est une très belle chanson qui montre finalement que les Français adorent le Moyen-Âge. Et les Allemands aussi, d'ailleurs. Il faut rappeler que ça, c'est une chanson de 59, à peu près. Donc, relativement tard, loin de du bombardement de Reims. Mais il faut aussi se rappeler que autour de 1900, même par le 19e siècle, les cathédrales et le Moyen-Âge a joué un très grand rôle. Et la redécouverte du Moyen-Âge en France et en Allemagne est un grand sujet partout. Pensez à Victor Hugo, à Zola, à Huysmans, sont des grands romans sur les cathédrales. Et vers 1900, bien sûr, ça c'est avec même Proust qui se fascine des cathédrales. Donc c'est un grand sujet venant de là, de cette admiration pour le Moyen-Âge au 19e siècle, également, non pas seulement dans les romans, également par l'histoire. Les historiens s'intéressent au Moyen-Âge. La peinture s'intéresse. L'architecture est restaurée, Ville-le-Duc, tout ça. L'architecture classique est considérée comme démodée. Alors, on se fascine pour le Moyen-Âge, pour l'art gothique. Les historiens d'art commencent à interpréter l'architecture gothique d'une façon nouvelle. Et du même coup, on s'intéresse, ce qui n'était pas le cas forcément dans les siècles précédents, de nouveau à la formidable énergie qu'il a fallu pour construire cette cathédrale. Il faut rappeler qu'elle a été construite entre le début du XIIIe siècle et la fin du XIVe siècle, sur un lieu d'ailleurs qui était déjà sacré, puisqu'on dit que c'est là que Clovis aurait été baptisé. Et vous savez qu'aux yeux d'un certain nombre de Français, je dis un certain nombre, ce serait la naissance du pays. Le pape Jean-Paul II est venu en 1996 pour l'anniversaire. Et la cathédrale est au patrimoine mondial de l'UNESCO. On doit rappeler aussi, c'est très important, que tous les rois, ou quasiment tous les rois de France y ont été sacrés depuis Louis le Pieux. Depuis Louis le Pieux, sauf sept d'entre eux. Henri IV a été couronné à Chartres. Mais pour le reste, jusqu'à Charles X, le dernier de nos rois, par la grâce de Dieu, ils ont été des faits rois-là. Et c'est là, évidemment, que nous savons que Jeanne d'Arc a conduit Charles VII. On n'a pas encore parlé de la signification de Reims, dans le fond. On n'a pas parlé des sacres et on n'a pas parlé du rôle de Jeanne d'Arc. Eh bien, faites-le, je vous en prie. Jeanne d'Arc, qui est quand même l'héroïne du XVe siècle et qui a défendu les rois et qui joue un très, très grand rôle, qui a, bien entendu, une statue devant la cathédrale. Donc, bombarder la cathédrale, c'est bombarder une signification, un mythe dans l'âme des Français, par le sacre, par Jeanne d'Arc et par l'architecture gothique. Donc il y a ces trois éléments qui sont à la base de la signification de la cathédrale de Reims. Et cette signification change un tout petit peu dans les années 20, après l'attaque de l'armée allemande. Parce que dans les discussions après 18, la question survient, est-ce qu'on peut vraiment la reconstruire? Il y a beaucoup d'architectes, il y a beaucoup de gens du public en général, Rodin par exemple et d'autres, qui disent que on peut pas la reconstruire parce que c'est un original qu'on peut pas remplacer. Nous revoilà dans cette querelle essentielle, importante. Exactement. Donc, la signification de la ruine ou de la reconstruction est une autre signification. C'est maintenant le symbole de l'unité des Français. Tous les Français, n'importe quel parti ils appartiennent, tous les Français se sont combattus contre cet adversaire. Donc, la France est unifiée et finalement, on va reconstruire, on va trouver l'aide de l'étranger, on va trouver l'aide, par exemple, des Américains, surtout des Américains, mais également d'autres, et on va reconstruire la cathédrale. C'est l'argent des Rockefeller, la dynastie. L'argent des Rockefeller. Les pétroliers, etc., qui devient très, très généreuse, exactement, la deuxième génération. Vous aviez... Carnegie a construit la bibliothèque de Reims, à côté de la cathédrale. Donc, alors, il y a énormément d'engagement du côté de l'Amérique, qui a suivi cette discussion en France entre les Allemands et les Français. Les Américains se sont complètement engagés du côté français. Et là, on est dans la ligne, vous faites bien de l'évoquer, de ce renouveau de l'époque romantique. Chateaubriand, vous le disiez, joue un rôle majeur avec son génie du christianisme en 1802. Et puis, il y a Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, qui est fondamental pour installer au cœur de la mentalité française l'attachement aux cathédrales, et notamment, là il s'agit de Paris, mais notamment celle de Reims. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi une histoire de la découverte et de l'identification avec le gothique du côté allemand. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, depuis Goethe et son engagement pour la cathédrale de Strasbourg, pendant l'époque romantique, l'art gothique devient le symbole, l'architecture gothique devient le symbole de l'unité allemande, et surtout la cathédrale de Cologne, qui, vous rappelez, la cathédrale de Cologne n'était pas complète. Faut-il l'achever ou non? Faut-il l'achever? Et bien sûr, maintenant, lentement, de tous les côtés, des propositions arrivent, l'argent aussi arrive avec des loteries, avec d'autres moyens, l'argent vient pour continuer à construire la cathédrale. Et le roi de Prusse aide et les intéressés à chercher un symbole pour unifier les différents États en Allemagne. Donc ça devient un symbole pour l'unité allemande. Et beaucoup a écrit sur l'architecture gothique en Allemagne pendant tout le 19e siècle. Et finalement, en 1880... Oui, le roi de Prusse écrivait pour défendre l'achèvement de la cathédrale. Il disait « Le temps des divisions ne doit plus avoir cours désormais. » Il faut mettre un terme au déshonneur qu'il y a à saper l'unité des princes et des peuples allemands, aux secousses qui ébranlent la paix entre les confessions et les classes, que ne s'installe plus jamais cet état d'esprit qui a empêché autrefois la construction de la maison de Dieu et de la patrie. Assimilation. Assimilation. Cathédrale de Cologne, maison de Dieu, patrie. Protestants et catholiques. c'est-à-dire la Prusse protestante, mais aussi les autres États appartiennent à cette communauté, donc, et aident à financer cette grande tâche de compléter la cathédrale Cologne, qui va être inaugurée par le roi de Prusse en 1880, qui, depuis, est devenu empereur à Versailles. Vous vous rappelez, en 1871, elle était devenue empereur de l'Allemagne, de l'Empire allemand. Plus nous avançons dans notre conversation, plus nous démontrons en effet, si c'était nécessaire, l'importance symbolique de la cathédrale de Reims dans ses heures et dans ses malheurs. Et effectivement, la controverse continue dans les années 30. Écoutez donc ce propos de Le Corbusier qui intervient dans la querelle d'une manière que peut-être vous serez conduit à critiquer. Quand les cathédrales étaient blanches, la participation était en tout unanime. Ce n'étaient pas des cénacles qui pontifiaient, c'était le peuple, le pays qui marchait. Le théâtre était dans les cathédrales, monté sur des tréteaux improvisés en pleine nef. On y chipotait des prêtres et des puissants. Le peuple était adulte et maître de lui, dans la cathédrale toute blanche dehors et dedans, toute blanche maison du peuple, où l'on discutait mystère, morale, religion, civisme ou cabale. C'était la grande liberté de l'esprit libéré. L'universalisme était projeté au loin par les arts et la pensée, et surtout par cette force d'action d'une nation qui s'était mise en marche entièrement, sans regard jeté en arrière, arc-boutée juvénilement sur l'effort créateur quotidien. Les cathédrales étaient blanches, la pensée était claire, l'esprit était vif, le spectacle était propre. Vous levez un sourcil. C'était encore une fois cet enthousiasme pour le Moyen-Âge. Hein. Le sourcil, oui, alors oui, ça pousse c'est à se demander. C'est l'enthousiasme pour le Moyen-Âge, pour cette unité d'esprit. C'est aussi, bien sûr, une interprétation idéaliste hein, qui s'exprime là. C'est-à-dire C'est-à-dire que c'est vraiment une unité. Le Moyen-Âge était aussi une époque très compliquée, avec beaucoup de partis qui se combattaient. Donc, mais à ce moment-là, dans les années 20, c'est probablement fin des années 20 ou début 30, 1935. C'est là un appel à l'unité des Français à se mettre ensemble. Quand est-ce que c'était ? En 1935, et ça a été diffusé dans l'émission Les Cathédrales de France de Max-Paul Fouché, le 14 juin 1952. C'est un texte de 1935. Donc chaque côté affirme que le gothique peut être un élément d'unité. Mais alors qui finalement a inventé le gothique? Vous pouvez trancher parce que mes auditeurs et mes auditrices très angoissés par l'incertitude où vous les laisseriez. Non, mais c'est absolument certain que le gothique a été inventé par la France. On l'a déjà su au 19e siècle. On l'a su au début du 19e siècle. C'était pas une nouvelle découverte. C'est absolument clair. Pourtant, c'est fascinant à cause de ce nationalisme des deux côtés. Les Allemands ont dit jusqu'à la fin du 19e siècle que le gothique est un art allemand. À la fin du 19e siècle, il y avait encore des érudits sérieux qui continuaient à discuter sur le gothique allemand. Même avant la Première Guerre mondiale, dans les années juste après 1900, ils ont encore discuté là-dessus. Alors pour finalement trouver un élément à convaincre les compatriotes, ils ont dit bon, le gothique peut-être a été inventé en France, mais le vrai gothique a été créé en Allemagne. Dans sa pureté. C'est absurde ce que le nationalisme peut faire. C'est absurde à voir comment les arguments se sont croisés au lieu de se mettre ensemble et dire mais écoutez, toute l'évidence est là. Ils ont toujours défendu leur tradition. Vous savez, c'est tellement intéressant. Aujourd'hui, tout ça, ça paraît complètement ridicule, même drôle. On ne peut pas s'imaginer dans cette langue de cette époque, dans ce discours qui est imprégné par le non-vouloir de comprendre, par cette haine qui a bien sûr une longue histoire. de malentendus depuis le 19e siècle. On peut peut-être avoir un double étonnement que la haine ait été si puissante, fondée sur tant de stéréotypes, et que, en définitive, en une durée de temps assez courte, on ait pu la surmonter. Je voudrais que nous achevions cette conversation là-dessus. Pour cela, je vais vous faire entendre une partie du discours que le général de Gaulle a prononcé à Reims le 8 juillet 1962, lors de la visite du chancelier Adenauer dans cette ville, une visite qui a terminé le tour que Adenauer avait fait en France et qui, quelques mois avant le traité de l'Élysée, qui a scellé majestueusement la réconciliation, qui a signifié une volonté politique. Et on peut se rappeler que on était encore à très peu de temps de la Seconde Guerre mondiale. Écoutez ce que de Gaulle dit en face d'Adenauer et tout près de la cathédrale. Et après, si vous le voulez bien, vous commenterez ce propos. C'est par là, monsieur le chancelier, que la visite que vous achevez de nous faire, la visite officielle que vous achevez de nous faire, est un acte capital et une grande réussite. Déjà, le voyage que monsieur le président de la République fédérale d'Allemagne avait accompli dans la capitale française au mois de juin de l'an dernier, nous avait laissé les meilleurs souvenirs possibles. Cette fois, c'est l'amitié grandissante de la France qui a imprimé à tout et partout sa marque décisive. Dans les rues et les avenues de Paris, aussi bien que dans les réceptions, les cérémonies, les cortèges qui se sont déroulés à Paris en votre honneur, et comme cela fut d'ailleurs à Versailles, à Rouen, à Bordeaux et à Reims, une vague de témoignages déférents et admiratifs a déferlé vers votre illustre personnalité. Mais aussi, vous avez pu voir cette compréhension, cette bonne volonté, pour tout dire cette cordialité, venue des profondeurs françaises et qui, à travers vous, s'adressait à l'Allemagne d'aujourd'hui et de demain. Oui, pour animer la grande tâche européenne et mondiale que doivent accomplir ensemble les Germains et les Gaulois, il était essentiel que l'âme populaire manifesta son approbation de ce côté-ci du Rhin. Voilà, c'était De Gaulle. Il avait beaucoup admiré Edmond Rostand dans sa jeunesse. Je parle de De Gaulle, mais il avait pris beaucoup de champ par rapport au dernier vers d'un des derniers poètes de l'auteur de Cyrano qui disait « Rendons grâce aux pointeurs du stupide canon, puisque de leur adresse allemande il résulte une honte pour eux, pour nous un Parthénon ». Parthénon, oui, il a pris une autre figure à Reims en 1962. Bon, Parthénon, ça c'est le chef-d'œuvre de l'architecture. La cathédrale de Reims est l'équivalent pour la France. Oui, mais, un chef-d'œuvre qui avait été mutilé par un Anglais, Lord Elgin. Enfin, je ne m'attarde pas dans cette direction. Par les Turcs. Restons dans notre ligne, franco-allemande. Oui, moi, je suis très touché, écoutant De Gaulle. Hein. Il ne faut pas oublier que c'était un homme extrêmement courageux. Et surtout, en ce moment-là, il était très courageux parce que il y avait encore un grand sentiment ou ressentiment vis-à-vis de l'Allemagne. Et nous n'avons pas parlé de la Deuxième Guerre mondiale, qui était entre le temps de la reconstruction de la cathédrale et les années 60, quand ces événements avec De Gaulle et Adenauer se sont passés. Mais Hitler n'avait pas réussi à ce que Paris brûle là, et par conséquent que la cathédrale Notre-Dame de Paris fut détruite. Oui, mais il faut quand même dire que moi j'ai toujours trouvé ce moment absolument fascinant que en 38 la cathédrale de Reims a été réouverte et alors seulement une année après la Deuxième Guerre mondiale éclate. Là, l'armée allemande a tout fait pour passer à côté de Reims. Elle ne voulait pas avoir tout ce scandale encore une fois. Mais quand même, la reconstruction de la cathédrale, l'inauguration avec une grande fête nationale s'est organisée. Et seulement très peu de temps après, l'adversaire est encore là. Il faut s'imaginer. Donc, la plaie est grande encore dans les années 50 et 60. Et c'est vraiment une vision. De Gaulle avait une vision européenne. Nous avons parlé de Stefan Zweig et de Romain Rolland. Et il y avait, bien sûr, quelques d'autres personnes. Mais c'est la reprise de cette idée qui se réalise avec ce courage de Gaulle, qui lui-même prépare et organise le voyage de Adenauer. Avant le traité franco-allemand, le traité d'Élysée est signé en 63. En janvier. Mais de Gaulle a invité Adenauer de venir en France avant, pour faire un voyage, pour que les Français le voient. Et quelquefois, de Gaulle n'a pas participé à ces visites. À Rouen et à Bordeaux. Il voulait que la population française rencontre Adenauer et s'adapte à cette idée, à cette vision. C'était pas évident pour tout le monde. Et bien sûr, le point culminant, c'était la messe dans la cathédrale. De Reims, la cathédrale de Reims. C'était ce moment où, bien sûr, le bombardement de la cathédrale était dans la mémoire de tout le monde. Ce qui m'a fasciné, c'est que la signification d'un bâtiment architectural avec le symbolique, le symbolisme et le charisme de la cathédrale de Reims, le sacré, tout ce dont on a parlé, reçoit une autre perspective, une autre signification. Elle porte avec elle ce mémoire du sacre, de Jeanne d'Arc, de l'unité française après la Première Guerre mondiale, de reconstruire cette cathédrale. Tout ça, elle garde ça, mais elle reçoit une signification de plus. Et c'est la réconciliation entre la France et l'Allemagne, et une vision de l'Europe. Une vision de l'Europe, le rapport, non pas la coopération, mais une amitié. On parle de l'amitié franco-allemande, non pas seulement de la collaboration entre les deux pays. Ça, c'est un autre aspect. Donc, moi, je voudrais dire que la mémoire de Reims n'appartient pas seulement aux Rémois. Ça appartient également aux Français, et ça appartient également aux Allemands. Cet endroit, c'est un lieu d'histoire, un lieu de mémoire, dans le sens de Pianura. C'est un lieu de mémoire des deux pays et des deux peuples. L'amitié n'exclut pas les différences, puisque jusqu'au bout, elle s'exprime à Reims, dans la cathédrale, par le fait que le chancelier Adenauer a communié et que de Gaulle, naturellement, président d'une république laïque, s'y est refusé. Exactement. Elle était en uniforme quand elle a reçu Adenauer à l'aéroport, mais elle a changé son uniforme pour aller avec Adenauer à la messe, mais elle ne s'est pas confessée. On est décidément dans la symbolique jusqu'au bout, Thomas Gettgens. On pourrait encore dire un mot sur les vitraux d'Imi Knubel. Seulement récemment, les vitraux ont été remplacés par un artiste allemand. Ce qui est un très grand honneur pour cet artiste, Imi Knubel. C'est une honneur pour l'artiste, qui est un grand artiste, mais c'est aussi un honneur pour l'Allemagne, bien sûr. Moi, j'adore ces vitraux parce que il a su faire allusion au bombardement. Comment sont-ils pour qui ne les a pas vus? Ils sont en petites pièces. Ils sont très colorés, très colorés. C'est une fête de couleurs. D'un côté, ça fait référence au bombardement parce que ça éclate. En même temps, ça réunit. Ça fait allusion, bien entendu, à l'histoire et aux faits qui se sont joués à Reims. Mais c'est aussi une unité parce que ça reflète aussi la tradition des vitraux du Moyen-Âge qui sont très colorés et qui jouent ensemble. Donc, je trouve qu'il faut voir ce petit point, que cette histoire continue. En somme, si je vous comprends bien, l'histoire de ces vitraux symbolise une continuité par-delà tous les drames et tous les malheurs qui ont scandé l'histoire de ce monument magnifique dont nous avons parlé ce matin, la cathédrale de Reims, et peut-être peut ouvrir à nouveau une période plus lumineuse. La suite le dira. Exactement. Je vous remercie beaucoup d'être venu à ce micro, Thomas Gettgens. Nous avons fondé cette conversation sur un livre important qui vient de paraître dans la belle collection La Bibliothèque illustrée des histoires chez Gallimard, dirigée par Pierre Nora, et qui s'appelle La cathédrale incendiée, Reims, septembre 1914. Vous pourriez me dire comment l'idée vous est venue, comme historien d'art, de faire ce livre et d'en élargir la perspective au-delà de l'histoire des œuvres, de l'histoire de l'architecture, jusqu'à une réflexion sur civilisation et culture, France et Allemagne, dans leur représentation croisée. C'est une question assez compliquée. Et je peux seulement répondre personnellement sur cette question. Je me suis dédié à la culture française, à la peinture, à la sculpture, à l'architecture française, depuis les débuts de mes études. Mes confrères à l'Université Bonn, où j'ai commencé à faire mes études, se sont presque tous engagés pour l'art italien, parce qu'il y avait deux instituts de recherche en histoire de l'art en Italie. Et moi, je suis parti en France. Moi, j'ai dit, mais c'est pas possible. Alors, tout le monde va en Italie, personne va en France, c'est pas possible. Alors, je suis allé à Paris et j'ai fait des études à Paris, chez Chastel, chez Thuyer. Et André Chastel, le grand historien de l'art. Je me suis engagé et j'ai toujours pensé qu'il fallait avoir un institut comme en Italie. Donc vous l'avez créé, tout simplement. Et j'ai créé ce centre allemand d'histoire de l'art qui existe toujours, est très vivant et qui a mené à une collaboration entre les Français et les Allemands. Et c'est un centre de recherche où les Français et les Allemands et aussi des partenaires d'autres pays travaillent ensemble, font des publications, des colloques, des conférences. Ça, c'était le début. Et j'étais toujours fasciné par cet événement et la controverse entre les Allemands et les Français, les discours acharnés, pleins de haine. Et moi, j'ai toujours pensé, comment est-ce que ça a pu arriver que des gens, des intellectuels, comment ils se sont battus de telle façon. C'est à cause de ça que j'ai commencé à collectionner du matériel. Je voulais comprendre comment c'était possible. J'ai l'impression que nous sommes aujourd'hui arrivés à un autre point. Et j'ai écrit ce livre au moment où Palmyre était détruit. Pour vous avouer, un collègue qui a lu le manuscrit m'a répondu, le livre est extraordinaire, mais il faut que tu, quelque part, mentionne Palmyre. Tu ne peux pas publier un livre comme celui-là sans nommer Palmyre. Donc vous l'avez fait. J'ai écrit un autre chapitre à la fin. Ce chapitre démontre surtout la différence. D'autres ont dit que ce chapitre était très bien, mais l'éditeur allemand n'a pas très bien aimé ce chapitre et il avait raison. Très bien, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être venu à mon micro. Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, vous pourrez retrouver les références des documents que nous avons utilisés sur notre site, vous le savez, vous êtes très bienvenus et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec la précieuse collaboration de Jeanne Guéroux, avec une réalisation également précieuse de Yaël Mandelbaum, avec Élise Le, non moins précieuse à la prise de son, Nathalie Rouvillain, qui l'est également à la discothèque, et Clary Monac pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, elle ne l'est pas moins. C'était donc une émission consacrée à la cathédrale de Reims. Reims, une cathédrale et tant de mémoires, avec Thomas Gettgens, une émission qui avait été diffusée la première fois le 29 décembre 2018. La semaine prochaine, nous parlerons de Saint-Augustin, la force intacte de Saint-Augustin, avec Claire Sotinel.